Le dénouement. Tu as demandé à l'hôtel de préparer la note? Oui, pourvu qu'elle ne soit pas trop élevée. Voilà Valérie et Georges. Excusez-moi de vous déranger et de ne pas vous avoir prévenu, mais nous n'avons pas le temps de respecter toutes les règles de l'étiquette. Il faut que vous sachiez que j'aime votre fille et que je voudrais l'épouser. Ça, par exemple, je n'aurais jamais cru que... Allons, tu es aveugle, mon chéri. Félicitations, mes enfants. Venez que je vous embrasse tous les deux. Alors, vous nous donnez votre permission? Naturellement. Vite, faisons monter une bouteille de champagne pour boire à la santé des fiancés. Et pour pouvoir rester à Paris avec vous, je vais demander au ministre de l'Éducation nationale de me nommer professeur à Paris. Magnifique! Alors, Paul, tu es content? Oh oui, je viens de recevoir des nouvelles de Lucoubé. Ma bicyclette est déjà en route pour Québec.